merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Confusion de statut par les candidats en campagne électorale pour les prochaines communales et législatives, c'est ce que révèle le directeur national de l'ONG locale Parsem. L'on dirait qu'ils battent campagne pour les présidentielles d'après leur discours. Explication dans ce journal. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation rappelle aux enseignants et aux responsables des établissements scolaires de s'abstenir d'impliquer les élèves dans les activités politiques pendant la campagne électorale en cours. La dette des entreprises publiques et parapubliques passe de plus de 800 milliards à fin 2023 à plus de 1200 milliards de francs burundais à fin 2024, selon un rapport d'avril 2025 publié par le ministère des Finances. La chronique parle, rassure-moi, de ce mercredi et centrée sur le langage de courtisanerie. Éclairage avec un socio-anthropologue, ce sera à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'ONG locale Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités fait remarquer que les candidats en campagne électorale pour les prochaines communales et législatives adoptent des discours comme s'ils étaient des candidats à l'élection présidentielle. Lors d'une conférence de presse animée ce mercredi, le directeur national de l'organisation Parsem a indiqué que les candidats députés devront présenter eux-mêmes leur projet de société à la population. Suivez Faustin Dikouman. Nous constatons que sur le terrain, c'est presque le CNDD, FDD, le parti au pouvoir qui est en train de battre campagne à travers tout le territoire national. Cela se remarque même à travers l'espace médiatique, surtout dans les médias publics, où l'espace médiatique est largement réservé au parti au pouvoir. On dirait que c'est un monopartisme de fait qui se réinstalle. Deux, une campagne électorale qui se déroule à l'arrivée des élections présidentielles. C'est le président qui sillonne tout le pays. On ne daigne pas présenter les parlementaires, le CV. Normalement, un parlementaire, c'est quelqu'un qui a une expérience quelque part. Comment est-ce que je vais faire partie d'une commission finance? Quelle est ma valeur ajoutée? Quelle est ma capacité? Quel est mon CV? Quelle est ma moralité au niveau du comportement dans la société? C'est ça, le parlementaire doit présenter tout ça. Même si sur les listes bloquées, il faut daigner, prouver les capacités de jouer le rôle de parlementaire. Parce que c'est une institution objective. Il ne faut pas sombrer dans ce qu'on appelle la corruption institutionnelle, où on fait des formalités de mise sur des institutions, alors que les institutions, en réalité, ne sont pas en train de jouer leur rôle. Un parlementaire a un mandat national, doit jouer pleinement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Il devait nous dire comment il veut contrôler des commissions d'enquête pour enquêter sur la gouvernance, la situation de la corruption, les injustices, les emprisonnements abusifs, surveiller la qualité des infrastructures, les services publics, les services sociaux, l'éducation, la santé, comment est-ce qu'ils vont se battre? Comment est-ce qu'ils vont surveiller les ministres, voter les motions de censure? Si ça continue à se donner comme ça, on commence à se poser une question. Quelle est l'utilité d'avoir séparé les deux élections? Faustin Dikoumana rappelle aussi que l'utilisation des véhicules de l'État dans la campagne électorale est contraire à la loi, sauf pour le président de la République qui en a la prérogative pour des raisons de sa sécurité personnelle. Encore une fois, Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parsem. L'usage du matériel de l'État, les véhicules, c'est prohibé. La particularité de certains pays, c'est au moment des élections présidentielles, où on dit comme le président reste encore une institution, important dans la vie de la nation, on accepte que les services de sécurité que le gouvernement doit octroyer puissent le suivre. Là, c'est la moindre mesure qu'on peut accepter. Même dans d'autres pays, il y a même là où on va plus loin, on vous dit, monsieur le président, vous avez d'être candidat, maintenant vous êtes au même pied d'égalité que les autres. Mais dire qu'aujourd'hui, on est en train de battre campagne pour les élections législatives, il y a des ministres, il y a le président qui ne vont pas se faire élire comme des parlementaires, mais les moyens de l'État sont en train de suivre. Non. Nous sommes dans la législative, les plus hautes autorités utilisent les véhicules de l'État pour passer la campagne avec l'emblème du parti. Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parsem. Et la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi rappelle aux enseignants et aux responsables des établissements scolaires de s'abstenir d'impliquer les élèves dans les activités politiques pendant la campagne électorale en cours. Dans une déclaration irrelative, le président de cette fédération interpelle les enseignants à penser plutôt à l'achèvement des programmes du troisième trimestre de l'année scolaire en cours. Suivez Antoine Manouba. La campagne électorale pour le scrutin du 5 juin 2025 est en cours depuis une semaine. Les enseignants sont impliqués comme tous les autres citoyens, c'est leur droit. Mais ils doivent être conscients qu'ils gardent la mission d'éduquer pour l'avenir de la nation. Actuellement, l'année scolaire 2024-2025 tend vers sa fin. L'achèvement des programmes et les connaissances suffisantes sont des impératifs pour clôturer l'année en beauté dans le strict respect des droits des apprenants. Ainsi, les apprenants en fait de cycle seront disposés à la compétition lors des évaluations certifiantes. Pour garder leur honneur, les enseignants et les responsables des établissements scolaires doivent s'abstenir d'impliquer la jeunesse dont ils prennent en charge l'éducation dans les activités politiques, dans les enceintes des écoles, dans le strict respect du décret numéro 100/058 signé par le président de la République en date du 9 mai 2025. Ce décret réglemente la campagne électorale pour les élections du 5 juin 2025 et concerne également tout acteur impliqué dans la campagne électorale en cours. Malheureusement, ce texte réglementaire est déjà violé dans plusieurs écoles. Les responsables doivent savoir que personne n'est au-dessus de la loi. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous demandons que la loi soit observée. Le pays a besoin d'une jeunesse tranquille, instruite et compétente pour parvenir à la vision du développement. Antoine Manouma, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation. On parle toujours des enfants, mais cette fois-ci, ceux-là ne sont pas en campagne électorale. Ce sont des enfants en situation de rue en mairie de Bujumbura qui reconnaissent vivre dans de très mauvaises conditions. Ce mardi, certains ont affirmé à nos reporters que la faim est l'une des causes qui les a poussés à quitter leur domicile, alors que d'autres disent ne pas savoir où sont leurs parents. Ils demandent au gouvernement de les rassembler dans des centres d'encadrement afin qu'ils puissent regagner l'école. Un reportage signé Clovis Niyonguru. Je m'en mange à l'arrière, je m'en mange à l'arrière, je m'en mange à l'arrière. Certains de ces enfants en situation de rue disent que la raison pour laquelle ils sont venus dans cette vie est le manque de nourriture, alors que d'autres ont été abandonnés par leurs parents. Ce qui m'a mis dans cette situation de rue, mon père a rendu son âme et ma mère s'est rendue au Congo. Lorsqu'elle m'a laissé, nous étions ensemble au restaurant dans le centre-ville et me disait qu'elle va au petit besoin et me laissant dans cette manière. Moi, jusqu'à maintenant, je ne connais pas où se trouvent mes parents. Il déplore que la situation est toujours difficile, expliquant parfois qu'il passe toute une nuit ou journée sans rien mettre sous la dent, sans oublier l'endroit où dormir. Je dors à la Belle Étoile à Bouiza et nous sommes maltraités. Je ne mange pas régulièrement. Quelquefois, nous manquons à manger parce que nous demandons au patron s'il ne donne pas de l'argent. Je passe toute une nuit sans rien mettre sous la dent. Des fois, je dors dans la rue ou je rentre. J'ai abandonné l'école étant en deuxième année primaire et je sais lire et écrire. Vraiment, nous sommes dans de mauvaises conditions de vie. Nous nous couchons sur des cartons et nous nous couvrons des pièces de sac. Nous n'avons pas où habiter. Il demande au gouvernement de se pencher sur cette situation pour mettre en place des centres d'encadrement adaptés afin qu'ils regagnent l'école. Ce que je demande au gouvernement, c'est de nous prendre en charge et de nous traiter dans de bonnes manières. Je demande au gouvernement de nous venir en aide en me faisant regagner l'école. Certains de ces enfants déclarent vivre dans cette situation de rue depuis 10 ans, tandis que d'autres y sont depuis 13 ans. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certains travailleurs de l'association Nezewa Group qui collectent les déchets en plastique dans la ville de Bujumbura et dans le lac Tanganyika apprécient positivement l'initiative prise par le responsable de cette association, affirmant que cela les aide à payer les frais de scolarité de leurs enfants ou à payer leur loyer. Bouchoumi Silas, le responsable de cette association, indique qu'ils ont déjà collecté environ 5 000 tonnes de déchets en 3 ans. dont 45 tonnes de plastique provenant du lac Tanganyika en 3 mois seulement. Ce responsable précise que ces déchets sont ensuite recyclés pour en faire d'autres objets utiles. Il appelle la population à éviter de jeter les plastiques dans les rues. Reportage, Lydie Gahimbari. Nous les avons rencontrés en train de ramasser des bouteilles vides d'eau ou d'ogi dans la rivière Kinyangongi, là où elle se jette dans le lac Tanganyika. Ces citoyens, membres de la société Nézé-Guagro, affirment qu'ils vivent grâce à ce travail jusqu'à aujourd'hui, bien que certains considèrent ce métier comme sa valeur, c'est le « eux ». Depuis que cette société a été créée, je travaille beaucoup et j'enregistre des avantages comme le paiement des frais scolaires pour mes petites sœurs et je réalise mes projets. Je concrétise mes petits projets. J'ai acheté une chèvre grâce à cette société parce que pendant des jours, je peux avoir entre 5 000 et 150 000. Comme ça, je peux acheter des cahiers pour mes enfants. Je ramasse les bouteilles en plastique dans le lac Tanganyika et je les amène ici dans cette société. On me paie de l'argent, ce qui m'aide à payer le loyer et je parviens à satisfaire les besoins de ma famille. Ces citoyens appellent des gens sans emploi à se réveiller et travailler pour subvenir à leurs besoins. En plus de bouteilles en plastique, cette société collecte aussi des déchets en sachets et en papier rencontrés dans le quartier de Zone Ngagara, à mairie de Bujumbura, dans son usine de recyclage. Sila Sibuchumi, responsable de cette société, affirme qu'ils ont déjà collecté environ 5000 tonnes de déchets au cours de 3 ans d'activité. Et selon lui, ils ont ramassé 45 tonnes de bouteilles en plastique dans le lac Tanganyika pendant 3 mois seulement. Nous collectons des déchets en plastique, en papier et des sacs usés. On fait le triage chaque article à part. Nous avons collecté beaucoup de déchets. Des 3 heures de travail, nous avons ramassé plastique, tonnes, papier, des déchets. 45 tonnes de plastique nous les ont été ramassés. Nous les amènent dans le lac Tanganyika pendant 3 mois. La société colorise ces déchets en transformant dans des autres objets de travail très utiles. Nous avons ramassé 5000 tonnes de déchets. 45 tonnes de plastique ont été ramassées dans le lac Tanganyika pendant 3 mois seulement. La société valorise ces déchets en les transformant dans des autres objets très utiles. Même s'ils rencontrent des difficultés de transport de ces produits vers les marchés étrangers. C'était un reportage de Lydie Gahimbari. La dette des entreprises publiques et parapubliques passe de plus de 800 milliards à fin 2023 à plus de 1200 milliards à fin 2024. Cela ressort du rapport d'avril 2025 publié par le ministère des Finances. Selon ce rapport, la société de télédiffusion numérique STNB à elle seule doit à l'État plus de 79 milliards de francs burundais, alors que la dette de la régie des eaux s'élève à plus de 262 milliards et celle de la société de téléphonie mobile Onatel s'évalue à plus de 174 milliards de francs burundais. Un reportage d'Omer Ndouayo. Dans ce rapport, le ministère des Finances compare les dettes dues à l'État par les entreprises publiques et parapubliques fin 2023 et fin 2024. Une dette qui a passé de plus de 858 milliards au 31 décembre 2023 à plus de 1290 milliards fin 2024, soit une variation de 51%. Les entreprises comme la Régie des Eaux, l'Onatel et la société de télédiffusion numérique STNB ont bénéficié des prêts sous forme de dettes rétrocédées, ajoute ce rapport, mais que l'Onatel a un prêt garanti par le gouvernement. Grosso modo, ce rapport, datant d'avril 2025, indique que la dette de la société Global Port Service Burundi s'élevait à plus de 2 milliards en 2023 et près de 3 milliards en 2024. La COGERCO devait à l'État une dette de plus de 4 milliards en 2024 et la Régie des Eaux, la plus endettée des autres sociétés, devait à l'État plus de 262 milliards de francs burundais en 2023 et en 2024. Le prêt rétrocédé s'élevant à plus de 186 milliards. Les impayés de la SRDI s'élevaient à plus de 2,5 milliards en 2023. Et en 2024, la dette est restée la même. Le traco devait à l'État une dette de 134 millions de francs burundais en 2023 et cette dette s'est multipliée à plus de 3 fois en 2024, allant à 424 millions. La société de télédiffusion numérique STNB a une dette de plus de 79 milliards en 2023 et en 2024. Cette dernière se compte en prêts rétrocédés. La Braroudi avait une dette de 337 milliards en 2023 et en 2024. Cette dette a augmenté plus de deux fois jusqu'à plus de 764 milliards. D'autres sociétés en dette de l'État sont l'agence burundaise de presse, ABP, Burundi Airlines, Kamebu, SIEP, le CNTS, l'ENA, le Natur et la RPP. Un homme septuagénaire de la colline Nemba en commune Provence Kayanza a été victime de coups et blessures lui infligés par sa femme d'une trentaine d'années. C'était la nuit de lundi à mardi, la semaine en cours. Des informations fournies par la population à Nemba disent que cet acte aurait été dû à l'ivresse. La victime a subi des soins médicaux à l'hôpital et la présumée auteur a pris le large avant d'être arrêtée. Mais Godefroy Nionizigui, administrateur communal de Kayanza, indique que les restes recherchés pourraient être traduits devant la justice. Patrick Senghiyonfa. Selon les informations recueillies à la colline Nemba, le soir du lundi, ce couple marié a passé ensemble de bons moments en train de partager un verre au centre Boali à cette même colline. Selon les mêmes informations, des conflits seraient générés par l'ivresse. Au 22 heures la nuit, cette jeune femme a blessé son mari à l'aide d'un couteau. Ces informations sont d'ailleurs confirmées par le chef colonel Nemba, Nico Bitangualou. Oui, celui-ci fait savoir que la victime a été évacuée la même nuit à l'hôpital Kayanza pour subir des soins médicaux. Le chef de zone Nyabihogo indiquait toutefois qu'il ne se faisait pas entendre des conflits conjugaux dans son ménage, mais que plutôt que ce qui s'était passé aurait dû à l'ivresse. Au niveau de l'administration communale Kayanza, l'on dit être au courant de la situation. Godefroy Nionizigui, administrateur communal Kayanza, indique que ce mardi, il a ordonné que cette femme est présumée au terme de cet acte soit appréhendée et traduite devant la justice, mais que malheureusement, elle s'était déjà échappée avant d'être arrêtée. L'administrateur communal Kayanza fait savoir qu'elle est restée recherchée. Godefroy Nionizigui a appelé ses dirigeants à cesser avec la justice populaire, mais plutôt saisir l'administration ou les instances judiciaires en cas de conflit de quelque nature soit-elle. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimva pour la radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. La chronique Parle, rassure-moi de ce mercredi est centrée sur le langage de courtisanerie. Ceux qui l'utilisent veulent des postes ou des avantages, mais cela peut créer des tensions entre groupes, selon des explications du socio-anthropologue Blaise Izerimana. Et ceci est confirmé par certains habitants de la colline et commune Bougueignosi de la province Karoussi. Mireille Kanyang. Il y a des personnes qui vont au supérieur pour dire des choses qui ne sont pas de très bonnes. Le langage de courtisanerie est souvent utilisé par des personnes en quête de poste ou d'avantage, explique Blaise Izerimana, expert socio-anthropologue qui dénonce un tel langage. Comment alors comprendre que quelqu'un est en train de mener un discours qui mène vers la courtisanerie? Ce sont des personnes qui disent des choses de façon à ce qu'on peut croire que c'est vrai. Ils veulent en fait te forcer à accepter ce qu'ils sont en train de dire. Et alors, leur langage parmi les discours, ce sont souvent des discours qui veulent montrer que quelqu'un d'autre est méchant. Dans leur quotidien, certains habitants de la colline et commune Bougueignosi de la province Karoussi disent avoir déjà été témoins de ces faits. Selon toujours le socio-anthropologue, la courtisanerie renferme des messages de haine, divisant les groupes et la communauté. Lorsque tout le monde va dire que toi tu es quelqu'un de méchant, quelqu'un en ce moment de messages de haine, tes enfants aussi peuvent être touchés. On va dire que ce sont des enfants d'autres personnes. Et une fois que les violences commencent va exposer, tu ne croiras pas que tu as eu une part de tout ça. Il faut savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. De son côté, Renovani Mubona, chef de colline Bugenyuzi, se langage et même source de déstabilisation de l'administration. S'il existe de tels langages de courtisanerie entre citoyens et administratifs, cela peut causer des violences parce que la personne concernée peut être à l'origine d'un crime et des combats peuvent éclater entre protagonistes et on se retrouve souvent dans des conflits perpétuels. L'expert Blaise Izerimana appelle toute personne à être consciente des conséquences sur sa personnalité et sa progéniture et ainsi prioriser la cohésion sociale. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.